ça tourne, silence. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. Pour ce Toiles et Sillons spécial, je vous propose de passer une heure en compagnie du compositeur français Philippe Sard, l'un des compositeurs les plus classieux du cinéma français. Nous allons plonger dans son univers musical avec les bandes-annonces des films qu'il a illustrés. Une heure avec Philippe Sard. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur toilesetsillons.fr, cette émission et toutes les anciennes émissions, bien sûr. C'est parti pour ce Toiles et Sillons spécial Philippe Sard. Bonne séance. Il est mort ? Non, il est évanoui. Il a de la chance. Pourquoi tu m'aimes ? Parce que tu es vieille et laide. Comment va Hélène ? Hélène ? Vous allez pas, la mère est... Moi, j'ai la mienne. Tout va bien. Si tu venais en vacances avec moi cet été, 15 jours. Ouais, ils vont toujours trop vite, alors. Ouais, trop vite. Faut pas dire ça, on n'en sait rien. 32 ans. Ah, c'est pas grave, tu te rends compte ? Et tu me quittes pour une femme. Salope. Qu'est-ce que tu as ? De quoi ? Je ne sais pas. Parce que je suis là. Mais s'il faut traverser la rue pour me rejoindre, tu es perdu. amusant, non? Tu étais très bien, mon corps. Mais je te veux comme une bête! Mais c'est pas raisonnable. Oh, hier soir, je vais vous dire, moi, j'ai pas une bonne impression. Quoi, c'est dehors! Je vous propose une croisière. Hein? Maintenant, sur le canapé? Chiche? Qu'est-ce que vous? Alors, nightclub, discothèque, musique, boisson, c'est compris dans le forfait. Non, franchement, j'ai sommeil. Oh, on est dingue. Oh, écoute, laisse-la dormir. Je te prie de ne pas m'enlever l'autorité que je peux avoir sur cet enfant. Alors, qui est cette personne? Parce que tu m'as toujours pas dit, hein? C'est ma fille. Voilà. Salaud! Dégénéré! Pédé! Oh, je t'en prie, j'irai pas devant la gamine! Ça fait peur, hein? Quoi? Ah, il a la trouille 007. Ma fille! Ma femme! Ma fille! Oh, mais tu peux me laisser une seconde en tête-à-tête avec ta fille, je veux pas la manger. Non! Le James Bond de la panique! Tes gueules! J'ai jamais vu un père aussi pressé de se débarrasser de son enfant. Et si elle se fait attraper par sa mère parce qu'elle rentre en retard, tu la connais pas, sa mère. Avouez qu'il n'est pas dans une situation facile. Non. Ben, je vais vous dire, vos impressions, on n'en a rien à foutre. Ma fille! Ma pauvre petite fille perdue! C'est pour papa ou pour Stéphane? Toi. Vous êtes mon premier cadeau de Pâques. C'est un miracle. Titre en caractère gras, 1000 milliards de dollars. Ce dossier, monsieur Kerjean, c'est l'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale d'un gigantesque empire économique qui s'appelle GTI. Le président de GTI. C'est un cerveau redoutable et féroce en affaires. Benoît Lambert est un obstiné. Nous avons acheté Benoît Lambert. Cette poignée de main vaut 1 750 millions. À ce prix-là, ce n'est plus un achat, c'est ce qu'on appelle un pot de vin. Je suis un rescapé de la plus impitoyable des guerres, la guerre économique, où les généraux sont en costume rayé de bonne coupe et leurs armes, un attaché-case de bon goût. Un gros scandale en perspective. Oui, si tout va bien. Si tout va bien pour qui? Je voulais simplement que vous sachiez que je tiens un dossier explosif et la vérité sur toute l'affaire Benoît Lambert. Tous ceux qui fouillent dans cette affaire sont en danger. Benoît Lambert a des amis puissants, je ne veux pas qu'on étouffe l'affaire. Je fouille. je trouve que vos questions deviennent de plus en plus personnelles, monsieur. Madame. Je vous dis que je n'ai pas suivi mon mari. Qu'est-ce que vous cherchez maintenant, à salir sa vie privée? Eh bien, allez-y. Je m'appelle Laura Weber et je l'aimais profondément. J'ai échappé de justesse à un attentat. Je vais vous donner un vrai conseil d'ami. Laissez tomber cette affaire. Vous rappelez-vous de cet homme avec qui vous avez dîné un soir? C'est Michel Saint-Claude, un ami de Jacques. Alors, monsieur Kerjean, vous vous intéressez toujours à l'Empire GPI, je vois. 1 milliard de dollars, c'est 10% de la richesse annuelle du monde pour un club de 30 personnes. Mais de quoi vous plaignez-vous? Il reste encore 90% pour les autres. Thank you. Allez, viens! Non! Mon mari et moi, nous sommes très heureux, monsieur Terrier. Nous formons un couple uni. Putain, mais t'es folle ou quoi? Mais tu vas arrêter de nous emmerder, oui? Tu veux me raconter ta vie maintenant? Non. On m'a pris mon pognon, j'ai besoin que tu me trouves une plante. 1 milliard. Ça vous intéresse? Mon fric. Connerie! Allez, habille-toi, on s'en va. Et fais gaffe. Je te plais! Oui, tu me plais! Please. Well, feelings towards the analyst are an inevitable and valuable part of the treatment. Sometimes when I'm sitting here, I wonder what it would be like if you leaned over and kissed me. A fetishist and an obsessive. You'll be very happy together. Do read about that moron in California, had sex with a patient. They awarded her $3 million. They put a very high value on sex in California. When a married analyst shacks up with a patient, it's relevant. Never had any feelings like this toward Dr. Jaffe. I never had any fantasies. Are you having one now? When falling in love is the last thing you need, why is it always the first thing you do? I've fallen in love with a patient. I see that you are flushing a brilliant career down the toilet. Don't worry, it'll all work out. I swear to you, Saul Benjamin is a prudent, sober physician. Did I take all my clothes off at any point during the ravioli? Tell me, did they have sexual relations on the couch? Oh, boy. As of now, you've got to break it off. Are you crazy? Give her up! You're not angry with me? Of course not. I'm your analyst. It is my professional opinion, as the person who invented psychoanalysis, that you are now Nazi Fagin. You are getting an anxiety attack. No, I don't. You are. I don't get anxiety attacks. What seems to be the trouble? What if she sues? Or writes an article. Could be a nasty business. You're an analyst, sweetheart. Try to act like one. I can't treat you anymore. What? I'm in love with you. Dudley Moore. I'm crazy about you. Elizabeth McGovern. It's really hard not to like him. Lovesick, a comedy for the incurably romantic. Quand vous serez dehors, je vous demanderai d'aller voir ma femme. Elle va sans doute se méfier et croire que je suis mort. Pour la rassurer et gagner sa confiance, je vais vous raconter quelques moments de notre vie, de notre intimité connue de nous seuls. Vous lui direz que nous nous sommes mariés le 14 décembre 1939. Qu'après notre mariage, nous avons passé 10 jours dans un hôtel de la rue Madame. Vous lui direz que je connais par cœur le bateau ivre. Votre mari est capable de réciter par cœur le bateau ivre. Vous lui direz que nous avons fait l'amour pour la première fois à Strasbourg le 14 mai 1939. Et que cette nuit-là, nous nous sommes jurés d'être ensemble tous les 14 mai de notre vie. Tout ce qu'une femme peut faire pour sauver l'homme qu'elle aime, Lucie Aubrac l'a fait. Il me semble que vous avez été impoli avec ma fille. La fille du fameux... Il aurait une fille, mais de qui? Le roi veut des courtisans rompus aux courbettes. Et moi j'ai du mal à courber les chines. Vous, sortez, vous, enlevez-moi ça. Bien va-t-il me supplier à genoux, le gascon, que ce serait encore non, non et non. C'est le borgne. Le borgne, quel borgne? Mais quel complot! Venez avec ce mal à vous, le chat. Aucun complot. Hein? Aucun? Je veux un poison foudroyant! Foudroyant! Qui l'air d'une malédiction divine! Et vous proposez un élixir qui tue en 3 heures! Mais de tout, j'ignorais que D'Artagnan eut une fille. Jean Lavigne, la ferme est cernée. Vous avez 1 minute pour sortir les mains en l'air ou nous donnons l'assaut. Avec ses grands airs, je vais m'en occuper, moi. Tu vas voir, je vais m'en occuper. Vous l'aimez bien, la veuve Coudert? Pourquoi tu me demandes ça? Elle est dure. Tu me chasses. Quand je pense que lui a donné les vêtements de son propre mari. Salope! Laisse, elle est au lavoir. Qu'il fait si beau. Non. Qu'est-ce que t'es venu chercher? Qu'est-ce que tu veux? On m'appelle la veuve Coudert. Elle est dure. C'est un air. Juste un air. Personne ne comprend rien. Personne ne comprend jamais. vos armes. Vous souhaitez dans le tas. Bon, ben vous êtes dingue, vous, merde. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Pensez qu'à tirer. Vous ne pouvez pas leur parler, non? Dites-le à vos copains. Mais j'ai pas de copains ici. À propos de loi, il m'autorise à te garder à vue pendant 2 jours. Vite tes poches sur la table. Mais il n'y a pas raison. Mais si. Oui, la justice. Si vous permettez, monsieur le président, j'ai une opinion personnelle de la justice. Je pense qu'elle doit être juste, mais pas féroce. Vous m'avez pris pour un cobaye. Moi, j'étais sur la confiance et vous sur le calcul. Qu'est-ce que vous attendez que je retombe? Ça vous ferait plaisir, hein, de venir vous pavaner devant moi en tôle. Bah, rassurez-vous, je vous donnerai pas ce plaisir, ni à vous, ni à Guattro. Mais maintenant, je vous préviens, premier qui va me faire chier à me poser des questions, je lui casse la tête. Vous entendez? Je lui casse la tête! Je pense seulement qu'il est nuisible et je le prouverai. Mais il a payé sa dette. Maintenant, il travaille. Qu'est-ce que vous voulez? L'amitié... C'est mort. Messieurs les jurés, je sais qu'en refusant les circonstances atténuantes, vous irez vers l'absolu. C'est-à-dire vers la peine capitale que je vous réclame pour l'accusé. Accusé, qu'avez-vous à ajouter pour votre défense? Rien. Monsieur. Je viens à propos de la nuit du 12 au 13. Évidemment, si vous aviez une créance à présenter. Mais est-ce valable? Absolument. Restez dans la main. Attention, il y a des arrêts de mort dans l'air. Monsieur va peut-être nous offrir un verre. Oh, vous n'y pensez pas, mademoiselle, à l'heure qu'il est. À vous dire à monsieur Achille qu'elles ont très bon genre. C'est pas le tout, mais quand il faut y aller, faut y aller. Nuit. Permettez. Oui. Vous laissez votre voiture? Ce n'est pas ma voiture. Mais... Je vous répète que ce n'est pas ma voiture. À quoi jouez-vous? Aux gendarmes et aux voleurs.